voyage en canot sur la Gatineau. Plus longtemps les pieds sur terre et la charge dessus le dos. Nous pensions à notre jeunesse qu'on avait si mal passé, à courir dans les ivresses. Notre argent avions dépensé, notre argent avions dépensé. Quand nous fûmes sur ces rives, de la Canlac et jusqu'au camp, c'est ici qu'on est destiné à bâtir, mes chers enfants, à bâtir une cabane, ce qu'on appelle un chantier, mais un chantier d'épinettes. En bois rond, non pas carré, en bois rond, non pas carré. Que chacun prenne sa place, c'est ici qu'on doit coucher. Dormir dessus la paillasse, de branches qu'il nous faudra couper. Mettez-y 100 fois les branches, mais des branches de sapin, pour mieux dormir à son aise, la plus grosse de sous les reins, la plus grosse de sous les reins. Mais je retourne du pays d'où ce que je viens. Je ferai de moi un homme et non pas un bon à rien. J'abandonnerai la cabane en ces bois si éloignés. Je prendrai soin de ma femme sans courir dans les chantiers, sans courir dans les chantiers. La chanson fut composée par un gars de ses chantiers. La douleur de 30 années l'avait un jour fait songer au plus dur de sa détresse en ces bois si éloignés. Il songeait à sa vie de jeunesse qu'il avait si mal passé. Il songeait à sa vie de jeunesse qu'il avait si mal passé. Il avait si mal passé.